Chapitre 6. Abad, labourer son champ, servir son Dieu. Il existe en hébreu un mot qui porte à lui seul toute la philosophie du service que ce livret cherche à dégager. Ce mot est abad. Sa richesse sémantique est telle qu'il peut se traduire par travailler, cultiver, labourer, mais aussi par servir et rendre un culte. En hébreu, ces réalités ne sont pas des homonymes accidentels. Elles sont la même réalité exprimée sous différents angles. Le champ confié à chaque individu. Dès les premières pages de la Genèse, Dieu confie à l'être humain la tâche de cultiver, abad, et de garder le jardin, Genèse 2:15. Cette mission initiale est fondatrice. Elle dit quelque chose d'essentiel sur ce que signifie être humain. Chaque individu a reçu un champ, un domaine, un territoire de compétences à cultiver. Ce champ peut être un jardin, un atelier, une salle de classe, un studio d'enregistrement, un instrument de musique. Cultiver son champ avec soin, excellence et rigueur, c'est l'abad fondamental. C'est le service divin premier. Il précède tout bâtiment religieux, toute liturgie organisée, tout ordre clérical. L'être humain sert Dieu en cultivant avec excellence ce qui lui a été confié. C'est cela, le véritable sacerdoce, le labourage du champ intérieur, le développement du potentiel de gloire déposé en soi. Le champ intérieur et le champ extérieur. Ce labourage se fait sur deux niveaux simultanés. Le champ extérieur, la vocation professionnelle, le métier, la compétence développée et exercée dans le monde. Le champ intérieur, la vie de conscience, la qualité de la présence à soi-même et aux autres, la discipline qui permet l'excellence, la sensibilité qui donne de la profondeur à l'acte technique. Ces deux champs ne sont pas séparés. L'excellence technique est le fruit visible d'une vie intérieure habitée. Le musicien qui a consacré 10 ans à maîtriser son instrument cultive simultanément son champ extérieur, la technique musicale, et son champ intérieur, la discipline, la persévérance, la sensibilité artistique. L'abad embrasse les deux. L'abad ne peut pas être soustrait du travail. Si abad signifie à la fois travailler et servir Dieu, si cultiver son champ et rendre un culte sont sémantiquement la même chose, alors il est impossible d'extraire le service d'une communauté du registre du travail pour le placer dans un registre exclusivement spirituel, soustrait à toute rémunération. Soutenir une communauté par son expertise musicale est un acte d'abad. Il a la dignité du culte. Et précisément parce qu'il a la dignité du culte, il mérite d'être traité avec la justice et l'équité que la Torah exige pour tout travail humain. La dignité du service et le droit à la rémunération ne s'opposent pas. Ils procèdent de la même source. Leçon 6. En hébreu, le même mot « abad » signifie « travailler, cultiver et servir Dieu ». La vie entière de l'être humain est son sacerdoce, le labourage de son champ intérieur, conscience, discipline, relation à Dieu, et de son champ extérieur, métier, expertise, vocation. Soutenir une communauté par son expertise est un abad. Il a la dignité du culte et exige pour cette raison même la justice du travail.